Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ça fait un méchant bout qu'on n'a pas parlé à Shane Gauthier de Dolbeau Mississini qui s'aligne avec les Blue Bombers de Winnipeg. On lui parle. Salut Shane! Salut! Shane, comment ça va? Ça a été une année très très difficile l'année passée. Vous n'avez pas joué. Comment tu as occupé ton temps en fait? Je suis retourné à l'école pour devenir électricien. Donc, okay. C'est pas mal ça que je suis en train de faire. J'ai commencé mes stages l'année passée. OK. Où c'était? Donc, hein? J'ai fait ça au Manitoba, à Winnipeg. OK, OK. Donc, ouais. OK. Fait que là, c'est pas mal ça que je fais pendant ma saison morte. Je travaille comme un électricien. Donc, tu prépares ta saison, ton après-carrière déjà, là. C'est pas mal le fun. Oui, ah oui. Ouais, ben c'était une année quasiment faite pour ça, là. On avait beaucoup de temps pour nous, fait que c'était la bonne chose à faire de préparer mon après-carrière déjà. OK. Si on parlait un peu du côté de ton nouveau travail, est-ce que tu as déjà travaillé? Est-ce que tu as déjà eu des stages? Comment ça marche en fait? Ouais, ben je suis allé à l'école pour finir mon niveau 1, puis okay. J'ai travaillé. Mmh. T'as le DEP, j'ai travaillé. Ah, c'est un peu le même principe, mais tu fais pas tous tes niveaux d'une traite, dans le fond. Il faut que tu travailles un certain nombre d'heures. Après ça, tu vas à l'école, tu fais un niveau. Après ça, tu refais des heures, puis tu retournes à l'école après. OK. Donc, c'est un peu le même principe, le même temps au final, mais c'est géré un petit peu différemment qu'au Québec. OK. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes aussi? Est-ce que c'est... parce que si, mettons qu'un électricien, il en manque, hein? Ouais, ben, il en faut toujours. Ah oui, OK. C'est bon. OK. Ouais. OK. Mais j'imagine que tu as continué à t'entraîner, tu pensais, parce que ça a été longtemps qu'on pensait avoir... faisait longtemps qu'on pensait avoir trouvé... à l'été, on pensait encore avoir du football. Là. C'était longtemps, quoi qu'il n'y avait pas de négociation. On n'entendait pas parler de grand-chose. Donc, est-ce que toi, tu avais espoir quand même qu'il y ait une saison l'année passée? L'année passée, pas vraiment. Il disait peut-être qu'on allait avoir une bulle, mais j'y croyais pas vraiment. Je pensais pas que ça allait arriver. Okay. Donc, j'avais déjà commencé à regarder qu'est-ce que j'allais faire pendant le temps qu'on jouera pas. Mais j'avais continué de m'entraîner quand même. OK. Cette année, comment ça va, les Bombers? Ça va super bien. Si tu as une défaite, vous rôdez vraiment. Il y a une belle lutte avec Saskatchewan. Il y a un gros match qui s'en vient à BC Place. Donc, ça va bien du côté de ton équipe, là. Oui, ça va bien, mais tu sais, on a la moitié de la saison de fête, mais encore là, on n'a rien vraiment accompli. Ouais. Il reste encore 7 gros matchs à jouer avant d'arriver en série. Donc, c'est juste de pas s'asseoir sur notre 6 victoires, une défaite du début de la saison. C'est comment qu'on va finir le reste. Surtout dans les Canadiennes, là, c'est important, ça, là. C'est surtout ça, là. Ça arrivait souvent des équipes qui ont gagné la Coupe Grey qui n'avaient pas une fiche de 500, qui avaient même pas une fiche de 500. Hein. C'est tellement vrai non, c'est... dans le CF. Là, c'est... Ouais. Est-ce que tu joues plus ou ben, tu es encore sur les unités spéciales? Non, je joue plus. Je joue sur les unités spéciales encore, mais j'ai certaines formations défensives que je suis sur le terrain. OK. Donc, Les années que j'ai en arrière de la cravate commencent à porter fruit. L'expérience. Je profite de toutes ces opportunités-là pour devenir meilleur. Ben oui, c'est sûr. Donc, l'équipe est vraiment bien rodée, là. cette année, là, avec Mike Hochet. Là, c'est, écoute, c'est probablement un des bons entraîneurs de la Ligue. Là. Oui, c'est sûr. On a beaucoup de vétérans aussi qui sont de retour. Fait que, tu sais, on a fait de enseigner aux recrues comment on fonctionne ici, puis comment que un peu le montrer, comment on a réussi à gagner en 2019. Mais oui. Ben, on essaie de le montrer le même genre de travail qu'on fait, les meetings d'extra, plus de vidéos, puis toutes ces choses-là. Puis je pense que tout le monde répond bien à ça. Puis ça le démontre présentement avec notre fiche. Faut juste que encore approfondir ça encore plus pour que la fin de saison soit aussi bonne que le début. Zach Calaro fait un excellent travail encore comme pivot. Ah oui, Zach est plein de confiance en lui. Il bouge bien dans la pochette protectrice. Il peut faire un peu de tout. Puis c'est un excellent leader. Puis je pense que tout le monde a son bac, comme on dit. Puis je pense que ça commence à paraître de plus en plus. Puis je pense que en allant plus loin dans la saison, on va encore plus voir ce que Zach peut faire. OK. Ben, Shane, on va tuer la meilleure des chances. On va suivre de près avec les Bombers. Vous allez jouer contre les... Vous n'avez pas joué encore contre les Alouettes. C'est quand le match contre les Alouettes? Les Alouettes, on joue le milieu novembre, semaine back-to-back. OK, à Montréal et à Winnipeg. Okay. On joue à Montréal le 13 novembre. Puis, je ne sais pas si c'est avant ou après qu'on joue ici. Okay. Ben Shane, félicitations, bravo pour ta deuxième carrière, pour le plaisir de se parler. Merci. Shane Gauthier de Dolboom-Sesny qui évolue avec les Bombers de Winnipeg.